Nashville, la capitale de la musique aux États-Unis. Elle se fait repérer en chantant dans un bar alors qu'elle est à peine majeure. Un producteur la prend sous son aile et sa carrière décolle. Au début, Taylor Swift sort un album country, mais très vite, elle part sur de la pop commerciale, avec des textes souvent sur des ruptures ou sur des déceptions amoureuses. Elle règle très régulièrement ses comptes en musique. Maintenant, elle a 35 ans et sa carrière est confirmée dans le monde entier. Taylor Swift, qui nous a habitués à être plutôt sur des textes tristes, des textes rêvant d'un idylle, souvent, qui n'arrive pas. Eh bien, elle a changé. Elle a changé car elle va se marier avec le joueur de football américain Travis Kelce. Et elle est heureuse, elle est très heureuse même, Taylor Swift. Et malheureusement, le nouvel album The Life of a Showgirl déçoit ses fans. Un album qui passe assez mal aussi auprès de la critique et de la presse, jugeant ses textes légers et notant trop d'allusions aux bijoux de famille de son mari. Une chanson entière de son nouvel album fait d'ailleurs référence à la virilité de son futur mari, parlant de son érable japonais entre les jambes, de son baobab. Voilà, bref, Taylor Swift est très heureuse, elle sort un album joyeux autour de son mari, autour de son idylle, et ça surprend, par manque d'habitude de l'entendre heureuse, ça surprend ses fans. Un journal américain se demande d'ailleurs si un artiste peut faire de la bonne musique en étant heureux. Une question qui semble très réductrice. D'ailleurs, Taylor Swift elle-même avoue avoir déjà réfléchi à cette question, mais elle dit « Chacun est libre de ressentir ce qu'il veut ». Et d'ailleurs, elle a raison, Taylor Swift. D'ailleurs, on vous laisse vous faire votre avis sur un extrait de son nouvel album. C'est le premier titre issu de ce nouvel album, « The Life of a Showgirl ». Ce titre s'appelle « The Fates of Ophelia ». Moi, j'aime beaucoup. On écoute.